17h ce samedi, séance plénière, le secrétaire général de la conférence, Timothée Adanlin, lit le projet de déclaration solennelle. La conférence nationale proclame solennellement sa souveraineté et sa suprématie vis-à-vis de toutes les institutions de l'État et le caractère immédiatement exécutoire de cette décision pour tous. La Conférence nationale des forces vives de la nation. Vous entendez les clameurs, c'est la frénésie dans la salle, les délégués sont debout. Mais les ministres et les membres du parti au pouvoir sortent à ce moment-là et se retrouvent à huis clos dans une villa numéro 111 à 30 mètres de là pour préparer une contre-attaque. Le ministre du plan, Robert Dossou, ne nous cache pas sa nervosité. Il parle même de coup d'état civil de la part des délégués. C'est un coup d'état. Alors, ils prennent la responsabilité d'un coup de force que je me suis employé depuis des mois à éviter. J'ai réussi à convaincre le chef de l'État et les instances centrales pour qu'il y ait la mutation nécessaire dans la paix, mais ils viennent de déclarer la guerre ici aussi. Est-ce que vous craignez une intervention militaire? Je crains tout à partir de ce moment-là. Et le jour où se séparent les 488 délégués de la Conférence nationale, le 28 février 1990, Mathieu Kérékou s'interroge encore sur la portée et la nature des événements que vit son pays.